standard Matignon, bonjour. Ouais. Allô? Allô? M'entendez-vous? Je ne vous entends pas. Je raccroche. ...57 rue de Varennes. De François Perrache. Cinquième saison, L'Arche d'Alliance. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que l'Arche d'Alliance va vous revenir. Les anges la porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Sourate numéro 2, verset 248. 57 rue de Varennes. 21e épisode. Ah, mes amis, je ne vais pas vous raconter d'histoire. C'est le cœur serré que je m'adresse à vous pour la dernière fois. 4 saisons ont passé et le cycle s'achève. Mais foin de la nostalgie et de la prétérition. Écoutez plutôt, mes amis, les aventures du nouveau Premier ministre de la France. 4 saisons ont passé et le manège de la rue de Varennes nous ramène là où tout a commencé, en Afrique. Embarquant une dernière fois sur la périssoire gouvernementale, ou devrais-je dire sur la pirogue de Matignon. Oui, mes amis, ici, tout est possible. Le successeur de Tiphaine Kervelec, notre nouveau héros, est né en terre d'ébène. Il n'a pour l'heure qu'un nom, Camille Fournier. Vous connaîtrez bien assez tôt son caractère impavide et son visage. Courage à toi, Camille, car il te revient d'achever le cycle. Et s'il le faut, au prix de ta vie. Après tout, la mort d'un héros n'est qu'un peu de sang sur le chemin. Ne crains pas pour ta vie, Camille, oh mon frère. Pour mettre un point final à notre histoire, c'est le décor qui doit disparaître. Rien, j'ai rien. J'ai dû me faire épeler son nom. Si toi tu le connais pas, je vois pas qui le connaîtrait. On n'a rien non plus dans les archives du journal. Il y a aucun ancien élève de l'ENA à ce nom-là. C'est pas un élu. C'est pas un assistant parlementaire, et j'ai cherché sur Internet, mais rien que sur Facebook, il y a 20 ou 30 homonymes. En admettant qu'il ait un compte Facebook, c'est pas un Premier ministre, ce mec, c'est l'Arlésienne. Il est quelle heure? Oh bon Dieu. Bon, comment ils font dans ces cas-là dans les séries américaines? Quoi? Suis-moi. Et prends-en de la graine, ma belle. Peut-être qu'un jour tu seras à mon poste. C'est pas interdit de rêver, hashtag MeToo. Bon, écoutez-moi tous. Lâchez vos claviers, raccrochez vos téléphones, enlevez-moi ces putains de casques de vos oreilles. Vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Je veux tous les services. Je dis bien toute la rédac sur le coup. Ok? Élise vient de nous dégoter le nom de l'heure gagnante de qui veut aller se casser les dents à Matignon. Alors, on l'applaudit bien fort. Hein? Bravo Élise. T'as gagné notre éternelle reconnaissance jusqu'à la fin de la journée. Le problème, c'est que le successeur de Tiphaine Kervelec est un inconnu complet. La seule chose qu'on a, c'est son nom. C'est quoi son... Camille Fournier. Camille Fournier. Fournier. F-O-U-R-N-I-E-R. Eh ben, notez. Fournier, donc, comme l'ex-président. Mais il a sans doute aucun lien. Et Camille, comme... Camille. C'est un homme. Bah oui. Camille, c'est pas forcément... Enfin, c'est un prénom épicène, donc... Quoi? Ah oui, bon... je résume. Gerland s'apprête à nommer à Matignon un inconnu, de sexe masculin, donc, portant le nom de Camille Fournier. Et on pense, enfin, ma source au château pense, qu'il vit à Londres actuellement. En tout cas, ma source a entendu parler d'une arrivée en Eurostar. Donc, vous vous démerdez comme vous voulez pour me trouver qui est ce type et me rédiger un CV complet. Je veux savoir quel âge il a, sa formation, ses idées politiques, le prénom de ses parents, s'il est vegan. Bref. Vous appelez toute la planète s'il le faut, mais je vous donne une heure pour... Je crois pour que je connais. Qui a parlé, là? Ici, pardon. Bonjour. Bonjour. Je crois que je vois qui ça peut être. Qui vous êtes qui? Afida Slimani. Vous êtes quel service? Je vous connais pas. Éco. Service éco, je suis stagiaire. Vous êtes chez nous depuis quand? stagiaire ? 4 mois. Bah, on s'est croisés souvent à la machine. 4 mois ? 4 mois ? Mais c'est dingue, on me présente même pas les gens qui bossent sous ma responsabilité. Vous faites quoi ici depuis 4 mois ? Je suis au service éco, stagiaire. Depuis 4 mois ? Et tu connais Camille Fournier ? Je connais un Camille Fournier qui pourrait coller, oui. Je l'ai interviewé il y a 4-5 ans quand j'étais stagiaire à Libé. Camille Fournier, je me souviens. À l'époque, il bossait à Bercy, au cabinet de Joyot. Et au moment où Joyot a dû démissionner, tout le cabinet s'est recasé en urgence. Et ce Camille Fournier est parti à Londres. Donc ça pourrait coller, peut-être. Je crois pas. Excuse-moi, hein, mais j'ai cherché, entre autres, dans les annuaires de tous les anciens cabinets ministériels depuis 10 ans. Et il n'y a personne à ce nom-là. Ok. Quelqu'un d'autre a une meilleure piste ? Pardon d'insister, mais... peut-être qu'il était contractuel. Et dans ce cas-là, il apparaît pas dans les organigrammes. C'est possible, ça ? En théorie, il limite le nombre de conseillers pour les nominations au journal officiel. En pratique, c'est vrai qu'il y a toujours des mecs qui viennent se greffer dans l'équipe au fur et à mesure. Tu fais pas tourner le cabinet de Bercy avec des personnes. Hein. Même avec des énarques sous cocaïne. Hein. Et... Afida, c'est ça ? Ouais. Il faisait quoi à Bercy, ce Camille Fournier ? En gros, dans mon souvenir, il s'occupait de la réforme de l'État. Un type bizarre mais hyper brillant. Il coordonnait, je crois, des missions de conduite du changement auprès des cabinets ministériels et des directions centrales en relation avec les services PM. Bercy et le SGMAP. C'est l'ancien nom de la DITP. Je comprends rien, je comprends rien. De toute façon, quand le service éco me parle, je comprends jamais rien. Il faisait quoi, ce type ? C'est qui ? Si tu penses à lui, vas-y, fonce ! Au niveau du CV et du parcours, oui. Ça pourrait être lui, mais... Mais quoi ? Ah, monsieur, s'il vous plaît. Oui, vous. Passez par ici. Bonjour, pourquoi moi ? Pourquoi pas ? Contrôle aléatoire. Ben, j'ai pas de chance alors. Je peux voir votre billet et votre passeport, s'il vous plaît, monsieur ? Bien sûr. Quel était le motif de votre séjour à Londres ? J'y travaille, depuis 5 ans. Vous faites quoi à Londres ? Vous êtes footballeur ? Analyste. Ah, la finance peut-être ? L'économie et le droit. Prospective et modélisation macroéconomique. Le motif de votre séjour en France ? Tourisme professionnel. Prospective économique ? Plutôt mise en pratique. Je viens d'être nommé Premier ministre. Tu veux faire de l'humour ? C'est pas ma spécialité. Tu veux jouer à ça ? Bon, Eric... Non, non ! Laisse. J'aime pas qu'on prenne pour un con. Je vais juste passer la douane, monsieur. Je suis citoyen français, mon passeport est en règle et je n'ai rien à déclarer. Oui, oui. Allez, tenez. Bonne journée, monsieur. Merci. Je suis attendu. Eh ben, ils vont t'attendre encore un peu. Non, mais c'est bon... Non, non, je te dis. Ça va pas se passer comme ça. Écoutez, monsieur... Maintenant, tu t'écrases, Kirikou. Premier ministre. Allez, suis-moi, grand malin. Viens par ici. Pour commencer, tu poses ta valise là, tu me l'ouvres, et tu vides ta poche. Monsieur le Premier ministre. De ma gueule, puis arrive, moi, je deviendrai le sous-fifre de ce... C'est qui ce type, personne ne le connaît. Oh, recommandé par Joyot. Hein, tu parles d'un viatique, il paraît qu'il est bi en plus. Déjà, tu nous as fait le coup avec l'autre goudou. C'est plus une passation, là. C'est la Gay Pride. Mais putain, c'est qui ce type d'abord ? D'où il sort ? Il a même pas fait Sciences Po. Société civile de mai 2. Et puis évidemment, t'as pris un black pour faire chier le MNR, c'est ça ? Tu crois que les Français sont tellement cons qu'ils vont pas comprendre la manip ? Ça fait beaucoup de questions, non ? Un instant, mes amis. Vous souvenez-vous que Tiffaine Kervelec, broyée à son tour par la machine de Matignon, a dû jeter l'éponge et que le président Pierre-Yves Gerland s'apprête donc à nommer le jeune et brillant Camille Fournier comme nouveau chef du gouvernement. L'ex-premier ministre acceptera-t-il de jouer un rôle secondaire dans notre histoire ? Et d'où leur vient à tous cette addiction au pouvoir ? Pourquoi désirons-nous tant ce qui nous détruit ? Ça fait beaucoup de questions, non ? Mais toi, je t'emmerde, c'est clair ? Oh, écoute... Tu nous laisses parler entre grandes personnes. Ah, on se tutoie maintenant ? Comme tu veux. Pablo, tu deviens la caricature de toi-même. Tu devrais tirer un trait sur la coke. Si j'ose dire. Je suis déjà bien sympa de te recevoir. Tu es le seul qui a droit à ce traitement de faveur. Un traitement de faveur, mon cul ! Tu m'humilies, Pierre-Yves, et ça t'amuse en plus. Ministre de l'Intérieur, moi ? Mais tu me ramènes 5 ans en arrière. Ministre d'État. Non, fermez-la, monsieur le secrétaire général. Ah ben non, on se vouvoie. On élargira au maximum tes prérogatives. Je te mets numéro 1 dans l'ordre protocolaire. Numéro 1 derrière le PM, c'est numéro 2, c'est la pire place. Je te propose aussi d'être porte-parole. Hein? On ne verra que toi dans les médias, toutes les semaines, tous les jours si tu veux. Camille ne veut pas parler à la presse. Mais porte-parole, et pourquoi pas attaché de presse? Mais tu seras puissant comme jamais un ministre de l'Intérieur ne l'a été. Les Français veulent que tout change dans le pays. Ils vont pas être déçus. Avec les réformes que le nouveau Premier ministre a dans ses cartons, ça va tanguer sévère dans la rue. Le président va avoir besoin de quelqu'un de solide place Beauvau. On a besoin de vous. Mais c'est ça ta place, Pablo. L'Intérieur est porte-parole. La matraque et les micros. Hein? Oui. Messieurs, 12h29, monsieur le président. Tout est prêt pour l'annonce, monsieur le secrétaire général. Je descends. Mon général, raccompagnez monsieur Mercadal à l'Assemblée, s'il vous plaît. Vous pouvez lui organiser une sortie discrète ? Oui, monsieur le président. Il y a énormément de journalistes. Le meilleur moyen de passer inaperçu serait encore d'être le plus voyant possible. Si vous en êtes d'accord, je propose de ramener monsieur Mercadal dans votre C8, avec escorte GSPR complète. Ils penseront que c'est vous qui partez, monsieur le président. Parfait, faisons ça. Ben, tu vois, Pablo, tu n'as pas le poste. Mais t'as tous les avantages. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, conformément à l'article 8 de la Constitution, le président de la République décrète Monsieur Camille Fournier est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Monsieur Mercadal. Et moi, je suis comme vous, je n'ai jamais entendu parler de Monsieur Fournier. Mais on vous sent très réticent, est-ce que vous espériez revenir à Matignon ? Absolument pas, j'ai déjà été Premier ministre, ça ne vous aura pas échappé. Le président a fait son choix, je n'étais candidat à rien, mais je sais les responsabilités énormes que représente ce poste et il me reste à souhaiter bon courage à Monsieur Fournier. On évoque un gouvernement d'union nationale où se représentent toutes les formations politiques à l'exclusion du MNR de Nadine Bousquet. On parle de vous comme numéro 2 ? Non, le président Gerland a fait le choix d'un Premier ministre technique, gestionnaire, dont acte. Donc ma place est ici, chef du groupe majoritaire à l'Assemblée, parce qu'en face des gestionnaires, il faut des politiques. Nous jugerons M. Fournier sur les actes. Merci. Oui, mes amis, le moment est venu de voir le nouveau Premier ministre à l'œuvre. Camille Fournier tient toutes ses promesses. Il réforme au pas de charge en faisant fi des protestations. Projetons-nous dans le temps, mes amis. C'est aujourd'hui l'anniversaire de l'arrivée du nouveau Premier ministre à Matignon. À cette occasion, Camille Fournier, sous la pression de l'Élysée, cornaqué par ses conseillers en communication, se livre à un exercice qu'il exècre. Sinon, pendant l'interview, il y a un autre point que vous souhaitez aborder en particulier ? Oui. Je voudrais aussi dire un mot de la suppression du monopole de la représentation des partis en cassation devant le Conseil d'État. La suppression ? C'est un peu technique peut-être, non ? C'est une réforme historique, hyper importante. On a mis fin à un avantage vieux de plusieurs siècles, qui faisait qu'une 60aine de cabinets d'avocats spécialisés parisiens bénéficiaient d'un monopole légal qui leur permettait de se partager en toute tranquillité un marché juridique d'environ 150 millions d'euros par an. Un vrai scandale. Générique en vue de plateau, merci. On y va, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'expliquer cette réforme de la cassation. Comme vous voulez, mais une réforme, c'est comme une blague. Plus on a besoin de l'expliquer, moins elle est bonne. Dans 10 ! Ça va aller, monsieur Fournier ? Oui, pourquoi ? Votre main. Dans 3, 2... Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'accorder au service public cette interview exclusive. Voilà un an, jour pour jour, que, à la surprise générale, il faut bien le dire, vous êtes arrivé à Matignon, où vous menez des réformes à un train d'enfer. On a parlé de la tornade, Camille Fournier, du rouleau compresseur. Et si tout le monde, y compris l'opposition, vous reconnaît une incroyable force de travail, beaucoup vous reprochent votre réticence à faire la pédagogie de ces réformes. Et cette interview est la première que vous donnez depuis des mois. Alors, pourquoi, contrairement à vos prédécesseurs, si peu d'interventions dans les médias ? J'ai beaucoup de travail, peu de temps, Et je n'aime pas beaucoup les journalistes. Carrément. J'ai un très grand respect pour le travail des journalistes d'investigation qui concourent à l'établissement de la vérité. Et d'ailleurs, j'ai fait renforcer la législation en matière de protection des sources des journalistes. Mais, à titre personnel, je n'ai jamais été très à l'aise avec les médias que je fréquente le moins possible. Je fais mon travail et je laisse les commentateurs commenter. Les Français vous connaissent très peu, Camille Fournier. Vous n'aimez pas parler de vous, alors je vais le faire à votre place si vous le permettez. Vous avez 37 ans, vous êtes né au Rwanda, vous avez été adopté à l'âge de 2 ans par un couple d'enseignants originaires de Montpellier. Au terme de brillantes études, vous entrez à Polytechnique, puis à l'ENSAE, l'École Nationale de Statistique et d'Administration Économique. Vous rejoignez Bercy, d'abord dans la prestigieuse Inspection des Finances pendant plusieurs années, puis au sein du cabinet du ministre Stéphane Joyot. Mais après la démission de celui-ci, vous vous installez à Londres, où j'ai lu que vous avez travaillé pendant 5 ans pour une entreprise d'actuariat. Qu'est-ce que c'est que ça? En quoi ça consiste, l'actuariat? C'est l'application des modèles mathématiques et statistiques au marché de l'assurance et de la gestion d'actifs. Ça utilise, entre autres, ce qu'on appelle des modèles dits stochastiques, ce qui était ma spécialité en mathématiques. Justement, vous avez été diagnostiqué très tard, à l'âge de 23 ans, autiste Asperger. Pardon ? Ce syndrome d'Asperger dans le travail, ça se traduit comment ? Je crois que c'est plus intéressant de parler de l'action gouvernementale. Bien sûr, mais d'abord, une ou deux questions plus personnelles pour les Français qui vous connaissent mal. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire de vous que vous êtes surdoué ? Non. Oui, peut-être, enfin. Il faudrait juste s'entendre sur ce qu'on appelle un don. Un don, c'est ce qui vous est donné à la naissance, pour le meilleur et pour le pire. J'ai certaines facilité intellectuelle qui présente, oui, des avantages dans mon métier, mais il m'a aussi été donné à la naissance une peau noire, ce qui n'a pas que des avantages. Il m'a été donné, par exemple, une hypersensibilité au bruit et à la lumière. J'ai aussi un rapport quasi maladif à la vérité. Je ne supporte pas le mensonge, ce qui, dans ce milieu, n'est pas toujours évident. Et vos collaborateurs vous décrivent aussi comme hypermnésique. C'est un avantage, ça, pour travailler à Matignon. Il paraît que vous retenez absolument tout. Bon, tout, peut-être pas, mais oui, il suffit que je lise un texte une fois et que j'entende quelque chose, en principe, je le retiens. Ça me sert effectivement. On gagne du temps pour l'action gouvernementale au quotidien. Alors venons-y. Voilà un an donc que vous menez ce que vous appelez vous-même un choc de réforme, tous azimuts, qui vous valent d'avoir la plus basse cote de confiance enregistrée pour un Premier ministre dans l'histoire de la Ve République. Et même, on peut le dire, d'être véritablement haï par une partie de la population. Comment vous vivez cette désaffection? Elle semble ne pas vous toucher. Je ne suis pas là pour être aimé. Et je pense par ailleurs que ces mouvements de protestation ne sont pas toujours dénués de relents racistes, pour appeler les choses par leur nom. Donc, je n'ai pas à vous dire que c'est agréable de recevoir des œufs pourris sur sa voiture, son costume, se faire insulter, menacer. Ça complique beaucoup le travail des officiers de sécurité. Mais ça ne m'empêche pas d'agir. J'ai été sollicité par le président Gerdon pour nettoyer les écuries d'Augias. Vous vous voyez en Hercule de la politique? Voilà. Un seul de ces 12 travaux me suffit, vraiment. Oui. Si j'évoque les écuries d'Augias, c'est qu'on... Monsieur le Président, ici, dans le cabinet de toilette, la petite porte ouverte au fond du bureau. De gestion. Et ça passe notamment par une réforme profonde de l'action publique et la suppression d'un grand... Bonsoir, monsieur le Président. Bonsoir, colonel. Tous azimuts, comme vous dites, souvent par décret. Je suis désolé de... Non, je vous en prie, colonel. Une logique de pure efficacité. Des exemples? Pour ne citer que les dernières... C'est moi qui suis... Suppression de toute la liste fiscale. Désolé de vous recevoir dans cette tenue, mais je dois me raser pour un dîner officiel. La qualité des petites entreprises et des grands groupes. Parité salariale homme-femme contraignante dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Un instant. Des mesures plus techniques en matière de droit. Je baisse un peu. La cassation qui prévoit... Mais on vous sent ce soir encore, monsieur le Premier ministre. Alors... Déterminé que jamais, malgré les protestations, malgré... On a fait une petite visite chez cette journaliste. Cluet, c'est ça? C'est ça, monsieur le Président. Élise Cluet. On a masqué ça en cambriolage, évidemment. On a pris 3 bijoux et un peu d'argent, mais on a trouvé son ordinateur qu'elle avait dissimulé dans de la lingerie. On a le manuscrit et toutes ses notes. Je vous ai mis tout sur cette clé USB. Je me suis permis de parcourir son texte. Attendez une seconde, colonel. Qu'avez-vous appris, Camille Fournier, depuis que vous êtes à Matignon? J'ai beaucoup appris. Et j'entends bien sûr les protestations. Est-ce qu'il faudrait tout arrêter, ce qui a été fait depuis un an? Je crois tout le contraire. En réalité, les Français veulent aller plus loin, plus vite. Jean Villard, homme de théâtre, disait Il faut avoir le courage d'offrir au public ce qu'il désire obscurément. C'est bien, il y a oui. en France un désir d'ordre et de justice. Et c'est ce que nous proposons au pays depuis 12 mois. L'ordre est maintenu. Et les réformes se font et se feront dans un souci d'absolue justice. Très bien. On parle aussi de mesures plus symboliques, comme la suppression de l'ENA. Non. Hein ? Quoi ? Ben si ! Ce serait hautement démagogique. Je n'ai pas l'habitude de donner en pâture des fonctionnaires. Et certainement pas les meilleurs d'entre eux. Putain ! Je crois effectivement que l'exemple doit venir d'en haut. Les services du Premier ministre eux-mêmes doivent être exemplaires. Et toute l'activité de mon gouvernement est tournée vers la stimulation de l'action économique. Mais qu'est-ce que... Je vous annonce donc que nous céderons l'hôtel de Matignon avant la fin de l'année au parc privé. Et quoi ? Les services du Premier ministre, encore dispersés dans Paris, seront regroupés au plus près du cœur économique de notre pays dans un bâtiment unique, l'Arche de la Défense. Mais... Mais on va tout faire ! Je crois, monsieur le Président, que vous venez de faire tomber votre alliance dans le... Oh, une merde ! Oh, merde, merde, merde ! Bon, il y a quoi, colonel, dans le torchon de cette journaliste ? Beaucoup de détails, monsieur le Président. Beaucoup trop de détails sur l'affaire Belansky. J'ignore ses sources, mais je suis moi-même cité à 5 reprises. Il y a plusieurs pages sur le rôle de l'actuel secrétaire général. Plusieurs chapitres sont consacrés à votre prédécesseur, le président Grimaud. Et vous êtes partout. Elle vous présente comme celui qui a organisé l'assassinat du ministre. Je suis désolé, monsieur le Président. Croyez que je sais ce que c'est d'obéir aux ordres. Merci, colonel. Bon. Il va falloir s'occuper d'elle. Est-ce que je dois interpréter ça comme une instruction, monsieur le Président ? Hein ? Non. Pas d'initiative, colonel. Quand je dis s'occuper d'elle, on va pas... Enfin, on verra. La priorité, c'est d'identifier la source. Je veux savoir où elle a trouvé ces infos. Qui est la taupe ? Vous continuez à me surveiller cette Élise Cluet comme le lait sur le feu. Et je veux un rapport détaillé sur tous ceux qui auraient pu lâcher le morceau sur Belansky. Tous. Y compris mon entourage. Je dois savoir sur qui je peux compter pour limiter la casse. Oui, monsieur le Président. Merci, colonel. Je reviens vers vous au plus vite avec ces éléments. Colonel. Monsieur. Je vais aussi être obligé de demander à un de vos collègues d'enquêter pour m'assurer de votre propre loyauté. C'est tout à fait normal, monsieur le Président. Les enjeux sont trop importants. Si le livre devait sortir, les éléments sont suffisamment étayés pour que vous tombiez sous le coup de l'article 68. L'article 68 ? De la Constitution, monsieur le Président. Votre destitution. À suivre. Rue de la Reine, de François Perrache. 21e épisode. Chris Nyangona, William Adilam, Hervé Pierre, Gilles David, Marc Barbet, Olivier Creveillé, Anne Azoulay, Brigitte Faure, Ludo de Lanxin, Morgane Hainaut, Aurélien Ozinski, Sébastien Faglin, Johan Proust, Elsa Agnès, Thomas Pouget, Antoine Cahan, Olivier Cherki, Vincent Pradoura, Jean-Baptiste Bazin, Emmanuel Bloch, Frédéric Dimnay et Delphine Léonard. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Schlatt. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Claire Chenot. Réalisation, Cédric Ossier. This bad, you know.